اوكي خير ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 70 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, et c'est les commentaires du Cheikh sur le charh de Qurrat Uyun al-Muwahidin, donc le charh de Kitab al-Tawhid qui est écrit par le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Abdurrahman ibn Hassan. Donc on est arrivé toujours dans le chapitre باب الدعاء أو plutôt باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله qui est le chapitre 6, et on a commencé à expliquer jusqu'à date plusieurs points. On a expliqué premièrement le premier verset أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc c'est ça qu'on était en train d'expliquer. Et au dernier cours, on commençait à expliquer les paroles du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan à ce sujet-là. Donc, il disait ثُمَّ بَيَّنَا تَعَالَى أَنَّ هَؤُلَاء الْمُشْرِكِينَ قَدْ خَالَفُوا مَنْ كَانُوا يَدْعُونَهُ فِي دِينِهِ فَقَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره وأعظم الوسائل التي وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. Donc ici le Cheikh il explique ça, on l'avait expliqué au dernier cours de toute façon. Le sens du verset que les mouchriquins, ils invoquaient en dehors d'Allah des êtres qui eux-mêmes étaient des serviteurs d'Allah. Et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ces personnes qu'ils adorent en dehors d'Allah leur ont interdit à la base de faire le shirk. D'accord? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans ce verset pour établir la preuve contre eux. En leur disant, vous êtes en train de les adorer, alors que eux, ceux que vous adorez, eux, ils essaient de se rapprocher plus de nous. Et ils espèrent en notre miséricorde et ils craignent notre châtiment. Donc si vous voulez vraiment être sauvés du châtiment d'Allah et vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien pourquoi vous ne faites pas comme eux? Pourquoi vous ne suivez pas leur exemple d'adorer Allah seul et de rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah au lieu d'adorer des créatures et de laisser le créateur ou d'essayer de passer par les créatures pour aller au créateur? Donc ici, le Cheikh, il explique le sens de Al-Hasr qui est mentionné dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a placé le sujet, il l'a mis après. Hein? Le sujet, il l'a mis après. Ou bien il mentionne que yabtahuna ila rabbihim alwasila. Il n'a pas dit yabtahuna alwasila ila rabbihim. Ils cherchent le moyen vers leur Seigneur. C'est pas comme ça qu'Allah l'a dit. Il l'a dit d'une façon inversée. Il a dit ils cherchent vers leur Seigneur un moyen. Et le fait de le dire de cette façon, ça donne le sens de la restriction et de la limite, l'exclusivité. Ça veut dire qu'ils cherchent vers leur Seigneur seulement et vers personne d'autre un moyen pour se rapprocher d'Allah. Donc c'est ça qui est impliqué ici par l'inversion. Et en arabe, on appelle ça, comme je l'avais expliqué au dernier cours, al-hasr. Al-hasr qui veut dire l'exclusivité et la restriction. Après, il explique que parmi les meilleurs moyens et les plus grands moyens de se rapprocher d'Allah, eh bien, c'est le tawhid lui-même. C'est un moyen pour se rapprocher d'Allah. Parce que celui qui n'a pas établi le tawhid, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme adoration, il ne pourra pas se rapprocher d'Allah. C'est ça la réalité. Donc, quelqu'un peut faire beaucoup de salat, il peut faire beaucoup de zakat, il peut faire beaucoup de jeûne, il peut faire beaucoup de, de, de sadaqat, il peut faire beaucoup d'œuvres de piété, mais si il n'est pas sur le tawhid, il n'a pas aucun moyen de se rapprocher d'Allah. Tous ses moyens sont battus, ils sont annulés, sont vains. C'est pour ça que le plus grand moyen pour se rapprocher d'Allah, c'est le tawhid. Et eux, ces mushrikines, ils ne l'ont pas établi ce moyen-là. Donc, comment ils pourraient prétendre chercher un moyen vers leur Seigneur alors qu'ils ont détruit le plus important de tous ces moyens, qui est le tawhid? Et le tawhid, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses prophètes et tous ses messagers avec ce message. Ils sont tous envoyés par Allah pour enseigner à l'humanité ce fondement et ce principe qui est le tawhid. Et il dit, wa khuliqa al-khalq li ajlihi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute la création pour cela seulement. C'est-à-dire pour établir son tawhid. C'est ça le but même de tout ce qui a été créé. Ça a été créé uniquement pour ça. Mon existence, ton existence, l'existence des messagers, l'existence des anges, l'existence de la terre, l'existence du ciel, des étoiles, le soleil, la lune, l'univers, tout ce qui existe sur terre, uniquement, ça a été uniquement créé, tout ça, pour établir le tawhid d'Allah. Et rien d'autre. Donc ça nous montre l'importance même du tawhid. Et ça, c'est le plus important des moyens pour se rapprocher d'Allah. Après, le cheikh, il dit, ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته. C'est-à-dire, le terme en arabe, wasila, on a expliqué que ça voulait dire un moyen. Et on a dit que les moyens pour se rapprocher d'Allah, c'est les actes d'adoration et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ça fait partie des moyens pour se rapprocher d'Allah. Et le tawhid fait partie des choses que Allah aime. Et c'est la plus importante, dont on a dit c'est le plus grand et le plus important des moyens. Et le fait de chercher ou de prendre un moyen, on peut le mettre en, disons, en un nom dans la langue arabe et on l'appelle le at-tawassul. On prend le mot wasila et on fait un nom avec, hein, dans le sens de chercher le moyen. C'est at-tawassul. Hein? Tawassala at-tawassul, c'est le masdar. Et qu'est-ce que ça veut dire at-tawassul ilayhi? Ça veut dire de chercher un wasila, un moyen pour se rapprocher d'Allah. Donc, parmi les choses qu'on peut prendre pour se rapprocher d'Allah, parmi les moyens qu'on peut employer pour se rapprocher d'Allah, après le tawhid, il y a justement le fait de lui demander par ses noms et par ses attributs. Le fait de lui demander par ses noms et par ses attributs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans les versets de Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les du'as et dans la sunna, beaucoup d'exemples de cette catégorie de tawassul. Et le cheikh, il va en mentionner quelques-unes. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا أي تَوَسَّلُوا إِلَيْهِ بِهَا فَتَقُولُوا يَا رَحْمَنُ ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني يا تواب تب علي تب علي إلى آخره. نتوسل إليه نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Donc شيخ الفوزان حفظه الله تعالى il dit, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Ça, c'est un verset dans le Coran. Le verset 180 dans Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceci. Invoquez-le par ceci. C'est-à-dire, quand vous invoquez Allah, invoquez-le par ses noms, parce que ses noms sont les plus parfaits, sont les plus beaux. Et donc, il dit, c'est-à-dire, cherchez un moyen vers Allah lorsque. Hein, vous voulez vous rapprocher de lui, invoquez-le en mentionnant ses plus beaux noms. Et ça, c'est un moyen de vous rapprocher de lui. Par exemple, si tu veux la miséricorde d'Allah, tu lui demandes par son nom qui implique la miséricorde. Hein? Comme par exemple, Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est le miséricordieux. Et toi, tu veux qu'il te donne la miséricorde. Donc, tu lui demandes par ce nom-là. Et le fait que tu lui demandes par ce nom-là, eh bien, ça va faire en sorte que tu vas être plus apte à obtenir cette miséricorde. Parce que tu lui demandes par sa miséricorde. Et tu demandes ce qui correspond à ce nom. Hein? Si par exemple, tu invoques Allah et tu lui demandes par un nom qui vient en contradiction avec ce que tu lui demandes, alors là, ça ne fait pas de sens. Hein? C'est comme si par exemple, tu dis, Ya Shadidul Iqab, irfirli. Hein? Ô toi qui es dur en châtiment, pardonne-moi. Ça ne fait pas de sens. Hein? Il faut que la chose que tu demandes corresponde avec le nom que tu emploies pour demander à Allah. Parce que Allah, il a les plus beaux noms et les plus belles attributs. Et donc ici, par exemple, tu dis, Ô toi qui es miséricordieux et qui es tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi qui es pardonneur, pardonne-moi. Ô toi qui donnes la subsistance, donne-moi la subsistance. Ô toi qui reviens au repentant, hein, et qui accepte la repentance des repentants, accepte ma repentance et reviens vers moi, hein, après avoir accepté ma repentance. Accepte ma repentance et fais que je revienne repentant. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc le cheikh, il dit, tu demandes à Allah en cherchant un moyen pour te rapprocher de lui, et c'est-à-dire de mentionner ses noms et ses attributs. Ça fait partie des formes de tawassul qui ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, par ce verset dans sourate Al-A'raf et également par les exemples et la mise en pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cet exemple de ce qui est mentionné dans ce verset. Et il cite des exemples. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il dit, كقوله هن إن كما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. C'est-à-dire, il demandait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des invocations et des du'as, il faisait le tawassul, hein, dans les narrations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tawassul, c'est-à-dire qu'il cherchait un moyen de se rapprocher d'Allah dans ses invocations en demandant à Allah par ses noms et par ses attributs. C'est-à-dire en citant ses noms et ses attributs comme moyen de se rapprocher de lui et d'avoir sa réponse à notre invocation, d'être exaucé. Dans notre doua, on mentionne ses noms et ses attributs dans ce but-là. Et il mentionne comme exemple le doua suivant qui signifie Ô Allah, je te demande parce que la louange t'appartient, que rien ne mérite d'être adoré excepté toi, celui qui octroie toutes les faveurs. Yani badi'u samawati wal ard, ça veut dire l'innovateur des cieux et de la terre, celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent. Ya dhal jalali wal ikram, ô toi qui détiens la majesté et la noblesse. Et également un autre exemple de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi, comment il glorifie Allah, il disait Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah. La ilaha illa ant, al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il dit également dans un autre dua, Ô Allah, je te demande parce que tu es Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté toi, l'unique, as-samad, celui vers qui toutes les créatures se tournent pour avoir ce qu'ils veulent. Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré et que rien n'est comparable à lui, ni personne. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, il dit tawassala ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa tawhidihi wa hadha huwa at-tawassul al-mashru'. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cherché un moyen de se rapprocher à Allah en mentionnant ses noms et ses attributs et son unicité et son tawhid. Et ça fait partie du tawassul, de chercher un moyen qui est yani qui est légiféré par Allah et qui est permis et qui est ordonné par la charia d'Allah. Donc at-tawassul, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire un dua, de demander à Allah et de lui demander par le fait de mentionner ses noms et ses attributs. En mentionnant ses noms et ses attributs, on se rapproche de lui et on fait en sorte qu'il nous exauce plus facilement et mieux encore. Un autre exemple ici, ensuite, que le cheikh il explique. Il dit « Wa ghayri dhalika min al-a'mal al-salihah al-khalisa allati lam yashubha shirk fat-tawassul ila Allah huwa bima yuhibbu wa yardahu. » Et il dit également que on peut se rapprocher d'Allah et faire le tawassul en faisant des bonnes œuvres qui sont purement pour lui seul et qui sont exclusivement pour lui. Hein, faites avec sincérité et pureté, dans lesquelles il n'y a aucune forme de shirk et aucune saleté du shirk qui rentre dedans. Donc c'est des œuvres pures, exclusivement pour Allah, faites uniquement pour lui. Donc de faire des œuvres uniquement pour Allah, ça peut faire partie également du tawassul, par lequel on se rapproche d'Allah, parce qu'on fait on fait ce qui est aimé d'Allah et ce qui est agréé d'Allah. Donc ça fait partie des moyens des choses qu'on peut faire qui sont des moyens pour se rapprocher d'Allah. On appelle ça donc at-tawassul, et donc ça aussi ça fait partie des choses qui sont légiférées. Le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce passage-là. Il dit « Wa kadhalika at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah. Tatawassal ila Allah bi ta'atihi wa bi 'ibadatihi kama tawassala ashabul ghar lamma intabaqat 'alayhim as-sakhra. Fatawassalu ila Allah bi a'malihim as-salihah. Wa hadha tawassulun bi birrihi. Fa hadha tawassala ila Allah bi birrihi li walidayhi. وهذا توسل بأداء الأمانة وهذا توسل إلى الله بالعفة وإحسان فرجه ففرج الله لهم التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا من الوسيلة النافعة. Donc ici le cheikh il explique que parmi les formes de tawassul, hein, il y a le fait de faire un tawassul, de se rapprocher d'Allah et de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et parmi ces moyens, il y a les bonnes œuvres qu'on fait et qui sont exclusives et pures uniquement pour lui, et dans lesquelles il n'y a aucune forme de shirk. Et donc, il mentionne le cheikh Al-Fawzan que lorsque quelqu'un fait des œuvres, hein, pour se rapprocher d'Allah et qu'il adore Allah, eh bien, ça fait partie des formes de choses qui, des catégories de tawassul qui sont légiférées par Allah, comme les compagnons de la caverne ou de la grotte. C'est des voyageurs ou des hommes qui étaient en chemin et qui, pendant la nuit, se sont réfugiés dans une grotte, hein, pour se protéger. Hein? Et quand ils sont rentrés dans cette grotte, l'ouverture de la grotte, c'est bloqué à cause d'un rocher qui est tombé dans l'entrée de cette grotte. Alors, ils ne pouvaient plus sortir. Alors, ils ont demandé à Allah et ils ont fait le tawassul à Allah en faisant un dua et en mentionnant à Allah une des œuvres qu'ils avaient accomplies pour se rapprocher de lui. Et ils ont chacun mentionné quelque chose. Et l'un d'entre eux, il a mentionné, par exemple, sa bonté envers ses parents. Hein? Et l'autre, il a mentionné le fait qu'il a respecté son engagement et son le dépôt, il a été honnête. Il a été honnête envers le dépôt qu'on lui avait confié. Et l'autre, il a mentionné qu'il avait gardé sa chasteté et qu'il avait préservé ses parties intimes. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a libérés de cette grotte. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et il est connu comme étant le hadith des gens de la grotte. Hein? Donc ça, c'est un hadith qui est connu et qui mentionne un exemple de tawassul, qui est le fait de mentionner yani, comme un moyen pour se rapprocher d'Allah et pour être exaucé, de mentionner dans notre doua une œuvre qu'on a faite uniquement pour Allah et pour son visage, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Et il dit le cheikh ensuite, yani, فَالتَّوَسُّلُ إِلَى اللَّهِ هُوَ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ لَا بِمَا يَكْرَهُهُ وَيَأْبَهُ مِنَ الشِّرْكِ. C'est-à-dire que le fait de faire un tawassul, hein, de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah, c'est parce que Allah a aimé et ce qu'il a agréé, et non pas parce qu'il a détesté et ce qu'il a refusé parmi les formes de shirk. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, لا بأن تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقات تتوسط بينك وبينه هذا تناقص لله عز وجل وتشبيه له بملوك الدنيا الذين لا يستجيبون إلا بواسطة الشفعاء والوزراء عندهم أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتوسط عنده بأحد وإنما يدعى مباشرة ويطلب منه مباشرة عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يشفع لا يشفع مباشرة وإنما يدعو الله أولا أن يأذن له ويسجد بين يدي ربه ويدعوه حتى Donc ici le cheikh il explique, il dit quand le cheikh il mentionne que c'est pas de faire le tawassul, c'est pas de faire ce que Allah déteste ou ce qu'il refuse, mais c'est de faire ce qu'il aime et ce qu'il a agréé. Pourquoi il dit ça? Parce que parmi les gens de bid'a et parmi les mouchriquins à notre époque et dans le passé, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont penser que le moyen pour se rapprocher d'Allah, c'est de prendre un intermédiaire ou un intercesseur entre soi-même et Allah. Donc, quand il fait des doigts, au lieu de demander à Allah directement, il demande par une créature, il demande par un être pieux ou par un ange ou par un prophète quelconque. Et il lui demande par le nom de cette personne, ou par son statut, ou par son degré, ou peu importe, hein? Ou bien pire que ça encore, il lui demande directement. Au lieu de demander à Allah, il demande au prophète, ou il demande à l'homme pieux, ou au wali, ou au saïd, peu importe. Tout ça c'est des exemples de shirk. Et c'est pour ça que le cheikh, il mentionne ce point-là, parce qu'il y en a des gens qui ont interprété al-wasila comme étant Al-Wasita, un intermédiaire et un intercesseur. Et ce n'est pas ça du tout que ça signifie. Et la preuve du verset qu'on est en train d'expliquer, qui vient dans son tafsir, contredire totalement ce que ces gens-là prétendent. Et le cheikh, il dit que lorsqu'ils disent que de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah, c'est de prendre un intermédiaire entre nous et Allah, ça, c'est une façon de dénigrer Allah et de rabaisser Allah. Pourquoi? Parce qu'il compare Allah à un roi parmi les rois dans ce bas monde, parmi les êtres humains et les créatures. Et il le compare à un être humain, à un roi humain, une créature faible et ignorante en réalité. Puisque lorsque tu veux aller voir un roi aujourd'hui, ou un ministre, ou un président, ou un chef d'une compagnie, ou un propriétaire d'une compagnie, un patron ou quelque chose, tu ne peux pas juste rentrer dans son bureau directement. Hein? Si tu vas aller dans un des gros bureaux là au centre-ville, dans les tours là, Ou le patron, peut-être qu'il est au plus haut bureau dans le 20e étage. Toi, tu penses que tu vas juste rentrer là-bas, tu vas appuyer dans l'ascenseur, tu vas monter, puis tu vas frapper à sa porte, ou bien tu vas ouvrir la porte, tu vas rentrer dans son bureau? Jamais! Parce qu'avant que tu arrives même jusqu'à cet étage-là, il faut que tu passes par la sécurité. Et il faut que tu t'annonces. Et on va te demander, est-ce que tu es attendu? Est-ce que tu as un rendez-vous? Hein? Sinon, ils vont même pas te laisser rentrer. Peut-être même ils vont appeler la sécurité, ils vont te mettre en dehors. Ils vont dire, dégage. Hein? Tu n'as rien à faire ici. Et donc, il faut connaître quelqu'un en dedans qui connaît le secrétaire ou le conseiller ou le ministre ou quelqu'un qui est proche pour pouvoir te faire accéder même à pouvoir peut-être avoir un entretien. Peut-être quelques minutes, il va te permettre de rentrer. Ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on voit dans ce bas monde. Et pourquoi les êtres humains, ils agissent comme ça dans ce bas monde? C'est parce que, premièrement, ils ne te connaissent pas. Hein? Et sinon, tout le monde viendrait et eux, ils ne veulent pas se faire embêter. Hein? Donc, ils mettent des barrières pour empêcher les gens de venir vers eux. Et ça fait partie des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, premièrement, il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Il sait ce que tu as besoin. Avant même, qu'est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu penses avoir de besoin, il le sait mieux que toi. Et en plus, quand tu lui demandes, tu ne le déranges pas, hein? Et peu importe combien de fois tu lui demandes, peu importe la quantité de choses que tu lui demandes, il va te donner. Et qu'est-ce qu'il a comme richesse? Ça va jamais s'épuiser. Et il n'est pas limité dans quoi que ce soit des exemples, des limites, des créatures. Alors c'est pour cette raison-là que celui qui prétend qu'on a besoin d'un intercesseur ou d'un intermédiaire pour se rapprocher d'Allah, eh bien, sans même s'en apercevoir, sans même le réaliser, il vient de rabaisser Allah au niveau d'une créature. Il vient d'insulter Allah et de dénigrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et malheureusement, c'est ça ce qu'on constate. Hein? C'est ce qu'on constate de la part de ces gens qui prétendent avoir, hein, compris l'islam ou bien qu'ils pensent qu'ils sont musulmans et qu'ils cherchent des intermédiaires entre eux et Allah au lieu d'adorer Allah seul. Et c'est les exemples de qu'est-ce qu'on voit chez les juifs et chez les chrétiens. Quand ils prient, ils demandent par le nom de Jésus ou par le nom de Marie, ou bien ils demandent à Jésus directement, ou bien ils demandent à Marie directement. Hein? Et pourtant, Jésus lui-même, quand il priait à qui? Il priait à Dieu. Marie, quand elle priait à qui? Elle priait pas à Jésus, elle priait à Dieu. Et tous les prophètes et tous les messagers, ça a toujours été comme ça. Hein? Donc ça, c'est très, très, très important. Et il y a des gens aujourd'hui qui se disent musulmans, et quand ils prient, et quand ils font des douas, et ils demandent par Al-Jilani, ou bien ils demandent par Tijani, ou bien Al-Shadhili, ou bien Al-Rifa'i, ou bien tous ces autres noms de chers soufis, qui sont pour eux des intermédiaires et des seigneurs, en dehors d'Allah. Et ils font du shirk avec ces êtres-là. Et il y en a d'autres qui invoquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui pensent que ça c'est correct, alors que ça c'est des exemples de shirk. Alors, une fois dans le livre d'un des soufis, par exemple, Omar al-Fouti, celui qui supposément a propagé l'islam dans l'Afrique de l'Ouest, hein, en réalité c'est lui qui a propagé la tariqa soufia des Tidjaniyya en Afrique de l'Ouest. Mais pas pour venir amener l'islam, pour venir amener la tariqa at-Tijaniyya. Et pour venir écraser les autres turuq soufia qui étaient déjà installés, comme la Qadiriyya. Donc lui, il est dit, il est venu pour faire ça. Et il a fait le djihad, soi-disant, pour ça. Donc ça n'a pas rapport avec un djihad selon la charia de l'islam. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, lui, dans son livre qui s'appelle hein, Rimahu Hizbur Rahim, Anuhuri حزب الرجيم رماح حزب الرحيم حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. Ça veut dire les lances du parti du miséricordieux, c'est Allah, sur les gorges du parti du lapidé, le shaitan. Et dans ce livre-là, il a dit, il a trouvé une femme qui était en détresse ou qui avait un malheur ou je ne sais pas quoi. Et elle disait, ya Jilani, ya Jilani. Elle appelait le cheikh Jilani pour la sauver. Et lui a dit, non, demande pas Jilani, appelle Tijani. Il remplace un shirk par un autre shirk. Et là, après, il dit, supposément, elle a été sauvée. Donc, c'est pour dire, Yanni, des gens comme ça, qui appellent pas les gens pour les sauver du shirk, pour les amener au tawhid. Ils les amènent d'un shirk pour les sauver à un autre shirk. Donc, comme les ulama disent, qu'al mustajiru min ar-ramda ibn nari. Il se réfugie de la chaleur du feu. Hein, il s'en va vers la chaleur du désert, la chaleur en plein jour. On appelle la ramda, c'est la chaleur quand il fait très très très chaud dans le désert. Lui, il s'enfuit de la chaleur du désert vers le feu. Ala kulli hal. Après, le cheikh il continue son explication. Il dit donc. الذي نزه نفسه عنه لا بما يكره ويأباه من الشرك. Et on expliquait ici l'explication de ne pas prendre des intermédiaires et des intercesseurs parce que c'est de comparer Allah à une créature, mais il dit on ne doit pas l'invoquer par aucun intercesseur et aucun intermédiaire, mais il doit être invoqué directement. C'est-à-dire que quand tu pries à Allah directement, pas par un intermédiaire, pas par un intercesseur. Tu l'invoques lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Invoquez-moi, je vais vous exaucer. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, lorsque mon esclave, سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, il te demande à mon sujet, je suis proche, إِنِّي قَرِيبُ, j'exauce l'invocation de celui qui fait l'invocation lorsqu'il m'invoque. Donc, on n'a pas besoin de passer par X ou Y, par Fulan, un tel ou un tel, ou alaykoum salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, il exauce le doua. Et il aime qu'on l'invoque. Il aime qu'on lui demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on lui demande. Il y a même une athar, je ne sais pas si elle est authentique, mais cette athar, elle est mentionnée par Ibn al-Qayyim dans son livre Ad-Da' ou Ad-Dawa. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il se gêne quand le serviteur, il lève ses mains vers Allah en dua, il est gêné de les rendre, de les laisser vides ou de ne pas lui donner qu'est-ce que le serviteur demande. Je reviendrai avec cette explication-là ou avec ce hadith-là la prochaine fois, Inch'Allah. Parce que c'est important, parce que les gens, ils pensent que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme les créatures, ils se fatiguent quand on lui demande. Un être humain, là, tu vas aller le voir, tu dis, mon frère, peux-tu m'aider? Mon frère, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Un tel, est-ce que tu peux faire ça? Après, une fois, il va t'aider. Deux fois, il va t'aider. Trois fois, il va t'aider. Mais après, il va dire, mais toi, tu me demandes tout le temps. Hein? Il n'aime pas ça. Après, il se fâche. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit izhad fima inda nas. Hein? Yuhibbuka nas. Izhad fima inda nas. Yuhibbuka nas. C'est-à-dire, détache-toi de ce qui est entre les mains des gens. Les gens, ils vont t'aimer. Ça veut dire que demande pas aux gens rien. Les gens, ils vont t'aimer. Parce que quand est-ce qu'ils vont commencer à pas t'aimer? C'est quand tu viens pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains. Hein? Izhad, c'est quoi le début du hadith? Yahbukannas. Izhad fi dunya, yuhibbuk Allah. Détache-toi de la dunya. Attache pas ton cœur à la dunya au point de donner à la dunya une précédence sur l'akhirah. Allah, il va t'aimer. Et détache-toi de ce qui est entre les mains des hommes et les gens, ils vont t'aimer. Hein? Tandis que Allah, subhanahu wa ta'ala, non. Allah, subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani. Il est riche. Et donc, même si tous les êtres humains, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, yani qamu fi sa'idin wahid, fa'a'ta kulla wahidin minhum mas'alata, ma naqasa dhalika min mulki Allah illa ma yani akhraj al-mikhyat idha udkhila fi al-bahr. Ou comme قال الرسول ou comme قال يعني في هذا الحديث القدسي. C'est-à-dire que même si tous les êtres humains, le premier et le dernier parmi les hommes et les djinns, ils étaient tous réunis dans un seul endroit, puis ils demandaient chacun d'entre eux tout ce qu'il veut à Allah, puis que Allah donnait à chacun d'entre eux tout ce qu'il a demandé, eh bien ça ne ferait même pas diminuer de son royaume même la goutte d'eau dans l'océan quand on trempe une aiguille dans l'eau, puis qu'on la ressort. La petite goutte qui sort, elle, ça fait même pas tout ce que ces êtres humains-là ont demandé et tout ce que ces djinns ont demandé, ça fait même pas diminuer le royaume d'Allah de cette quantité infime de cette goutte-là. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas comparer. Hein? Donc c'est pour ça, il dit, tu lui demandes directement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, il va intercéder en faveur des créatures pour que Allah débute le jugement, il ne va pas juste venir comme ça puis invoquer Allah, non. Premièrement, il va venir, il va invoquer Allah, il va demander la permission pour pouvoir intercéder. Puis, il va se prosterner devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et il va l'invoquer dans la prosternation une longue période de temps. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il sait combien de temps il va rester prosterné à l'invoquer et à lui demander. Puis à la fin, quand Allah subhanahu wa ta'ala va décider, il va lui donner la permission, il va dire, lève-toi et demande. Et demande l'intercession et je vais te donner ton intercession. Donc tout ça c'est pour dire qu'il demande la permission même pour intercéder. C'est pas comme les créatures dans ce bas monde qui juste vont vers la personne et ils intercèdent. Hein? L'intercesseur, il vient, il demande. Allah, personne ne peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Personne. Hein? Tandis que les créatures dans ce bas monde, les intercesseurs, ils intercèdent auprès d'eux. Et même que parfois les rois et les présidents et les gens importants, ils n'ont pas le choix d'accepter d'intercéder pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que ils doivent des faveurs à des gens. Et s'ils ne donnent pas des faveurs à ceux qui leur, à ceux à qui ils doivent des faveurs, ils savent que ils risquent de perdre hein, des personnes importantes pour eux, sur lesquelles leur pouvoir repose. Hein? Parce que le roi, il ne peut rien faire tout seul. Il a besoin de ses ministres, il a besoin de ses conseillers, il a besoin de ses armées. Et donc, c'est pour ça qu'il est obligé de faire des faveurs et de faire des intercessions pour des gens. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, personne n'a de faveur sur lui. Hein? Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas comparer les créatures au Créateur. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas besoin de prendre des intercesseurs et des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et lorsqu'on veut l'adorer, on l'adore directement. D'accord? Donc ça, c'est le cours. Qu'est-ce que le cheikh il expliquait aujourd'hui? C'est ça. Au prochain cours, on continuera à la suite de ça. Et on va voir d'autres exemples que le cheikh il a mentionnés. OK? Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته